vivant, vivant, vivant. Mais la meilleure, qui s'en doublé, cha, cha, qui s'en doublé, cha, cha, qui s'en doublé, qui s'en doublé, qui s'en doublé, qui s'en doublé, qui s'en doublé, oui, chacun va la guerre, j'en ai l'air. Decibel la fo, decibel la fo, decibel.